les villages d'eau et les hommes avaient disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Kirouko se savait où trouver notre grand-père. Nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Caraba, les petits surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Mais c'est mon ami, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Le vrai Kirikou, vrai de vrai, mais cette fois-ci, vous allez planter des légumes. Ne vous attendez pas à la même chose que le premier, c'est autre chose. Laissez-vous aller, c'est beau. Kirikou est vraiment un bon garçon. Sa mère est toujours là. L'Afrique est belle. Et il y a une sensationnelle musique. Donc c'est bonne promenade. Bonjour, une bonne promenade dans Bulle de Rêve. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est l'émission 100% animation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la star du dessin animé français, Kirikou. c'est vraiment la personne, Kirikou. Et j'ai la chance donc d'avoir ici, en studio, la co-réalisatrice de Kirikou et les Bêtes Sauvages, Bénédicte Galup. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alexis. Vous venez juste d'entendre Michel Oslo, l'autre co-réalisateur et concepteur et créateur de Kirikou, qui vous parlait un petit peu de ce second épisode, mais Bénédicte va nous dire un peu plus, c'est pas vraiment un second épisode, loin de là. On va prendre beaucoup de temps pour Kirikou, l'Afrique, le soleil. Ça tombe bien, cette journée d'hiver un petit peu, pas triste ou nette, mais un peu sombre, avec les vents qui sont un peu partout, la pluie. Donc Kirikou est notre invité, on en est très content. Vous allez avoir plus d'une heure, tout d'abord avec Bénédicte qui va nous parler un petit peu à la fois de son expérience. Elle a travaillé avec plein de gens très intéressants, bien sûr de Kirikou, on est là pour ça. Ensuite, vous allez avoir une interview, en fait, une présentation de Michel Oslo et de Michel Reillac. Michel Reillac étant directeur cinéma d'Arte France. Ça s'est passé au FITA, donc c'est le Forum international des techniques d'animation, qui était à Angoulême ce week-end, qui se termine ben, là en ce moment où on parle. Vous aurez donc une petite demi-heure d'interview de Michel Oslo par Michel Reillac, ensuite un peu de musique, et ensuite on finira par Yvan West-Laurence, le rédacteur en chef d'Animeland, l'une des dernières revues qui parle d'animation tous les mois, parce que Positif ne parle que tous les ans d'animation au moment d'Annecy, ce qui est déjà bien, et qui en parle en plus de manière compréhensible, non pas comme les cahiers du cinéma. Donc, si tout à l'heure vous étiez trompé de radio et vous étiez sur France Inter, vous avez eu droit à juste 10 petites minutes pour Kirikou avec Michel Oslo, donc pas grand chose. Nous, vous avez droit à une heure et demie quasiment avec cette star. On écoute le disque du mois d'abord. Alors, le disque du mois, on est toujours dans l'animation, on est en retard d'un mois. Vous allez voir, on écoute un extrait de la bande originale des Noces funèbres, le dernier film de Michael Johnson, co-réalisé par Tim Burton. On écoute. Oh, those girls are ten a penny. You've got so much more. You've got a wonderful personality. What does that wispy little brat have that you don't have, double? She can't hold a candle to the beauty of your smile. How about a pulse? Overrated by a mile. Overvalued. Overblown. If he only knew the you that we know. And that silly little creature isn't wearing his ring. And she doesn't play piano. Or dance. Or sing. No, she doesn't compare. But she still breathes air. Who cares? Unimportant. Overrated. Overblown. If only he could see how special you can be. If he only knew the you that we know. Cut me with a knife, it's still the same. And I know her heart is beating, and I know that I am dead. Yet the pain here that I feel, try and tell me it's not real. And it seems that I still have a tear to shed. Feature from that little creature is that she's alive. Overrated. Overblown. Everybody knows that's just a temporary state, which is cured very quickly when we meet our fate. Who cares? Unimportant. Overrated. Overblown. If only you could see how special you can be. If you only knew the you that we know. If I touch a burning candle, I can feel no pain. In the ice or in the sun, it's all the same. Yet I feel my heart is aching, though it doesn't beat, it's breaking. And the pain here that I feel, try and tell me it's not real. I know that I am dead. Yet it seems that I still have some tears to shed. C'est toujours Bulle de Rêve sur Radio Libertaire. Vous écoutiez Tears to Shed, donc une musique, une chanson qu'on entend dans Les Noces funèbres. Le dernier, donc Michael Johnson, sa première réalisation, co-réalisée par Tim Burton, un très beau moment où marié squelette se rend compte que son amour sera peut-être impossible parce qu'elle n'est pas faite exactement de chair et de sang, et donc il ne pourra jamais rien se passer, hein. L'un des beaux moments du film, très inégal, mais l'un des beaux moments. On reçoit donc la Bulle de Rêve, Bénédicte Galup, je suis très content, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La co-réalisatrice, là aussi c'est encore une co-réalisation. Alors, ma première question, évidemment, ben, puisqu'on parle de co-réalisation, co-réaliser un long métrage avec une star comme Kirikou, c'est un plaisir ou une vraie angoisse perpétuelle pendant tout le long de la création ? Non, c'était un plaisir. Je pense que au départ, je n'aurais pas imaginé que j'y trouverais ce plaisir-là. J'aime tourner les pages une fois qu'elles sont achevées, et jusqu'ici, tous les films que j'avais faits, j'aimais bien le fait que ce soit clos. Que le chapitre soit clos. Et puis là, quand ça s'est présenté, je me suis dit, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que je vais y trouver du plaisir ? Et en fait, c'est très agréable. bon, retrouver ce personnage, se replonger dans son univers, ça a été vraiment super. Et comme vous allez voir, ça sort mercredi et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Alors, on va d'abord, dans une première partie, parler de ta formation, parce que la formation initiale, c'est, ça c'est dans le dossier de presse, Beaux-Arts. Pas d'école d'animation, pas de spécialisation, d'abord les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts et puis ensuite sur le tas. Ouais. C'est arrivé petit à petit, j'étais aux Beaux-Arts, quand on est étudiant aux Beaux-Arts, il faut faire des stages en entreprise pour connaître la vraie vie, celle de l'extérieur, le monde industriel difficile et du travail. Et puis donc là, j'ai fait des stages avec un monsieur qui est passionné d'animation, qui s'appelle Pierre Azuelos, et qui aujourd'hui dirige la fabrique. Mais à l'époque, il travaillait pour Jeunesse et Sport et il utilisait les jouets optiques, folioscope, tomatrope, pour faire de la pédagogie dans les écoles et donc des stages pour les jeunes. Et en suivant un de ces stages, je suis tombée dans la marmite. D'accord. Voilà, cette rencontre qui a été capitale, découvrir le béaba de l'animation par les jeux. Et puis ensuite, toujours aux Beaux-Arts, une rencontre avec deux personnes de la fabrique, Cali Carlini et Frédéric Vitali. Et qui, eux, animaient aux Beaux-Arts un atelier parce que la fabrique, qui est donc tout près de Montpellier, a souvent reçu des subventions de la part du Languedoc-Roussillon, de la région. Et donc, c'était un échange de bons procédés. Ils sont venus animer un atelier aux Beaux-Arts. Et donc, je me suis inscrite à l'atelier. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé avec eux aussi pour faire... un peu tout ce que je voulais en animation, découvrir le béaba. Et puis à la sortie, m'a proposé du boulot. Donc avant, dans pas le studio. Connaissance de l'animation avant les Beaux-Arts, zéro. Pas du tout. Rien vu. Si, vu, oui, bien sûr, je suis amateur de dessins animés, hein, comme tout le monde. La télévision, le cinéma. Mais plutôt des longs métrages. Alors, moitié-moitié. Des longs métrages quand ça se présente, quand ça se présentait. Et puis, bien sûr, la télévision, hein, d'incontournable. Moi, je suis plutôt de l'époque d'Albator et de Candy. Hein. quand j'étais petite, toute petite, à l'école primaire, c'était du Jean Image. D'accord. Joe et oui. Les abeilles. Mais oui, voilà. Forcément. Alors, justement, on. Expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est vrai que dans le dossier de presse, c'est bien de l'expliquer, parce qu'il y a marqué à sa sortie de l'école, elle travaille pour la société de production d'animation La Fabrique. Oui. Alors, il faut rappeler quand même, moi je me suis posé la question, mais tu viens de nous le dire, il faut rappeler que la Fabrique est créée, alors moi je sais, par Jean-François Leguioni, mais donc il y a beaucoup de monde, en fait, pour au départ, si je dis pas de bêtises, pour réaliser un peu son premier long métrage, voilà. Qui était Gwen. En fait, Jean-François a fait beaucoup de courts métrages, puis quand il s'est lancé pour faire un long métrage, il a commencé, je pense, à Paris, et c'était infernal de faire un long métrage, il était dérangé tout le temps, selon ses propres paroles, donc il a choisi d'aller rejoindre le sud, les Cévennes, et donc là, il s'est installé dans un petit village où il y a 380 habitants, beaucoup moins de dérangements. Et puis il s'est installé, donc c'est une ancienne usine de soierie, et donc la fabrique a été créée à cet endroit-là avec pour les besoins du film Gwen. On a installé des bancs-titres puisque ça s'est fait en traditionnel, et puis l'équipe a suivi, est venue s'installer aussi dans la montagne avec lui. Il y en a qui sont toujours là, sur place. Lui est reparti sous d'autres cieux, mais... Oui, puisque la fabrique continue à produire. La fabrique continue à produire aujourd'hui encore. Et donc, Gwen est une merveilleuse expérience. Vous avez fait écouter, si vous vous souvenez, Jean-François Leguioni. Il y a un très beau DVD qui est sorti, un double DVD, avec en plus vraiment une très belle restauration des courts-métrages, notamment. Et Jean-François Leguioni est quelqu'un de passionnant quand il commence à raconter ses aventures. Gwen est un film absolument magnifique, il faut voir, qui est arrivé dans le désert de longs métrages français, qui est arrivé vraiment comme une perle. Malheureusement, on n'a pas eu le succès à l'époque, parce que France Télévisions, France 2 à l'époque, c'était pas... Oui, c'était France 2 à l'époque, ou même pas... Je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Antenne 2. Antenne 2, merci. Antenne 2 n'a pas vraiment su le distribuer à l'époque. Alors, on rentre comme ça à la fabrique, tu vas nous l'expliquer. Tu travailles sur quoi là-bas quand tu arrives? Alors en fait, je suis entrée comme petite main. C'est comme ça que Michel Oslo appelle les gens qu'il engage pour faire les petites choses à ses côtés. D'accord. C'est un peu comme la haute couture. Et donc, Cali m'a dit, il y a un réalisateur, il vient d'arriver à la fabrique, il fait une série pour la télévision en ombre chinoise, il a besoin de quelqu'un qui veuille bien travailler avec lui à ses côtés. Et voilà, je suis donc arrivée, je me suis installée, j'ai commencé à écouter ce dont il avait besoin et puis il m'a appris ce qu'il fallait faire pour lui. Et donc c'était, à l'époque, la série s'appelait Cinéci et c'est devenu plus tard le long métrage Prince et Princesse. Oui, c'est ça. Qui était voilà. Cinéci passé à la télé ou parce que c'était Cinéci, une série, c'est voilà, ça Cinéci à la base. Est passé sur France 3 et n'a pas eu le succès attendu parce que ce sont des ombres chinoises, donc ça contient beaucoup de noir. La télévision n'aime pas beaucoup quand les dessins animés contiennent beaucoup de noir. Et la formule n'a pas séduit les responsables de France 3 à l'époque. Pourtant, chaque film, c'est vraiment un petit bijou de court-métrage. Et même financièrement, ça se fabriquait pas très cher. C'était des petits budgets parce que chaque animateur est responsable de son film. Donc il y a un film, un animateur et le réalisateur de la série. Oui, une petite équipe en effet. Ah oui, ce sont très petites équipes. Et puis ensuite, il y a une monteuse, un musicien, trois comédiens qui font les voix. Enfin, c'était vraiment le dessin animé réduit à sa plus simple expression. Et moi, j'ai été donc engagée pour découper les silhouettes, aider à fabriquer les décors. Et puis Michel m'a appris aussi des rudiments d'animation un petit peu plus développés que ceux que Pierre m'avait enseignés. Et il m'a confié la responsabilité d'un tiers d'histoire. J'ai partagé la première année un tiers de court-métrage avec deux autres animateurs. Et l'année suivante, j'ai eu le droit de faire un épisode complet. D'accord. Mais donc, c'était une série parce que ce qu'on voit dans Prince et Princesse, il y a quatre histoires, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film qui est sorti bien après, en fait, qui est sorti après le succès de Kirikou. Oui. Il y a eu combien d'épisodes de Cinéci ? Alors, en fait, de Cinéci, il existe 8 épisodes sous la forme Cinéci. C'est-à-dire que ça commence, ils commencent tous de la même façon. On se retrouve dans un vieux théâtre abandonné. Il y a deux enfants, lui et elle. Et Théo, qui est donc un vieux bonhomme qui est là avec eux. Et chacun imagine l'histoire qu'il aurait envie de raconter et il se déguise. Et Théo fabrique les décors et ensuite le théâtre s'ouvre, le rideau s'ouvre et le conte se déroule. Donc il y avait ce petit préambule au début de chaque épisode. Et pour Prince et Princesse, on a réuni seulement les contes. Il n'y a plus le préambule de départ. D'accord. Voilà. Et donc les 8, parce que ça en fait quand même que 4, le petit préambule. Alors, donc ça veut dire il y en a 4 autres qui alors sont... Dans Cinéci, au total, il y en a 8. Mmh. Dans Prince et Princesse, il y en a 6. Il y en a 6. Et donc, il en reste 2. Et puis, Michel, un peu plus tard, a fait un autre travail auquel je n'ai pas participé, qui s'appelle Les Contes de la Nuit, qui est un spécial Noël. D'accord. Qu'il a fait avec... déjà, c'était une production avec les armateurs. Il a fait ça à Folimage, à Valence. Et c'est donc une formule un peu plus longue, puisque c'est 40 minutes, je pense. Et il y a donc à l'intérieur deux très courtes histoires qui doivent durer entre 5 et 8 minutes. Et puis un beaucoup plus long qui s'appelle La princesse des diamants ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Donc c'est là où tu rencontres Michel Oslo et Sylvain Chaumet aussi. Oui. Il arrive quand C'était une période où à la fabrique il y a eu un grand essor. Donc Gwen était sortie quelques années plus tôt, la fabrique avait continué sur sa lancée à faire des séries avec ceux qui étaient là sur place, donc qui étaient venus pour faire Gwen. Et puis à cette époque où moi je suis arrivée, il y a eu une espèce d'essor, plein de jeunes, si je puis dire, se sont présentés, ont été intégrés à la fabrique. Donc, sur plein de projets qui se fabriquaient en parallèle, des séries, des courts, des longs. C'était une période faste. Oui, c'est ça, l'ambiance, je suppose, parce qu'avec tous ces noms-là, enfin, tu l'as dit, je dis ça, mais il y a Federico Vitali, l'époque, il y avait donc Sylvain, il y avait Émile Bourget, Henri Heitzik, Philippe Leclerc, Jean-François Galato, plein de gens comme ça que j'ai retrouvés plus tard sur mon chemin. On est tous arrivés à cet endroit, la fabrique était passée de, je dirais, une quinzaine de personnes à presque 40, donc ça fait beaucoup. Oui, c'est ça. Oui. Et c'était une belle ruche qui travaillait intensément. Et ça a duré 3-4 ans comme ça, très intense. D'accord. Voilà. Donc à travailler. Et ensuite, Kirikou, c'est-à-dire que Michel Oslo part de la... Ah non, alors Michel, lui, en fait, avait une formule très chouette pour travailler. Il venait travailler que l'été. C'est bien, en effet, oui. Voilà, les Cévennes, l'été, c'est très joli, très poétique, joli paysage, belle couleur, grand ciel bleu. C'est le midi de la France. Donc, il venait travailler l'été, fabriquer les courts-métrages. Et puis, l'hiver, il rentrait sur Paris pour écrire les suivants. Et redescendait l'été suivant. D'accord. Donc, moi, je suis arrivée, je suis restée le temps d'un été. Et puis, moi, je ne suis pas repartie. Je suis restée à Saint-Laurent. Donc, pendant l'hiver, bah, j'ai travaillé avec les autres. J'ai appris avec Philippe Leclerc. À cette époque-là, on travaillait sur une série qui s'appelait Les Belles Histoires de la Maison Bleue. Mmh. Et donc, Philippe Leclerc, qui, on le rappelle, a réalisé plus tard, bah, notamment Les Enfants de la Pluie, voilà, récemment. Voilà, exactement, qui en ce moment fabrique un autre long métrage en Hongrie qui s'appelle La Reine Soleil. La Reine Soleil, tout à fait. Ouais. Et donc, bah, je suis restée pendant cet hiver sur Saint-Laurent. Philippe m'a appris encore d'autres choses. C'est le professeur suivant. Et puis l'été suivant, Michel est revenu. Et donc nous avons continué à faire d'autres épisodes de Cinécie, 4 autres épisodes de Cinécie. Et Michel est reparti, comme convenu, à l'automne suivant. Voilà, l'hiver suivant, il est reparti. Et je suis restée encore parce que j'ai fait le pari de rester en province pour travailler plutôt que de partir sur Paris. Pourtant, le chant des sirènes me disait qu'il n'y avait point de salut hors de Paris. Ce qui est faux, donc. Ben oui, voilà. Surtout l'animation, en plus. Voilà. Et puis, c'était... La fabrique était à ça de bien, c'est que si vous faites l'effort de rester près d'elle, elle fait l'effort de vous trouver du travail. D'accord. Voilà, donc c'était un contrat moral très agréable. Et donc, je suis restée. Donc il y a la belle aventure de la fabrique. Et puis il y a quand même, donc il faut en arriver là, il y a Kirikou qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Michel Oslo vient et, Alors c'était très bizarre. J'étais en train de faire des séries alors pour Praxinos, qui est un studio qui est né de la fabrique et qui s'était installé sur Montpellier. Donc une série qui s'appelait Les Animaux du Bois de Katsu, qui a duré pendant deux fois 13 épisodes, ce qui est quand même assez long. C'est long, ouais. Voilà, et Michel m'a appelé en me disant ben je me lance sur un long métrage, il faut que j'ai besoin d'aide, est-ce que tu viens m'aider? Et j'avoue que quitter Montpellier c'était difficile. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai mis du temps à réfléchir et puis c'est très difficile de partir, on sait ce qu'on lâche et on sait pas ce qu'on trouve, c'est un métier difficile, l'intermittent du spectacle n'est pas évident à gérer. Et quitter la fabrique, quitter Praxinos, où j'avais jusqu'ici régulièrement du travail, c'était... fallait un petit peu d'audace. Et puis je me suis lancée. Ça se passait où? C'était un vrai challenge? Alors, je me suis jetée à l'eau et c'était assez surprenant. Je me suis retrouvée dans le salon de Michel Oslo, qui commence toujours ses longs métrages dans son salon ici à Paris. Michel commence toujours par installer un studio à l'intérieur de sa maison avant, en général, d'obtenir un vrai studio en bonne et due forme. D'accord. Et donc, on a commencé dans son salon à mettre en place avec deux autres personnes les premières esquisses, les premiers dessins, les premières choses en couleur qui allaient construire Kirikou. Et puis très vite, les armateurs, donc qui sont les producteurs de Kirikou, des deux Kirikou, nous ont proposé d'aller nous installer sur Angoulême, où là il y avait possibilité de trouver d'abord des locaux et aussi de la main d'œuvre, puisque à Angoulême, IDDH venait de faire faillite. D'accord. Et donc, sur place, il y avait pas mal de techniciens qui connaissaient bien leur métier et qui pouvaient éventuellement permettre de faire le film de façon plus tranquille, plus aisée. Et c'est quoi l'ambiance? C'est vrai que maintenant, c'est un peu difficile, parce que Kirikou est devenu tellement énorme. Mais c'est quoi l'ambiance quand on fait un long métrage d'animation? Il n'y en a pas eu en France depuis... il n'y en avait pas eu depuis un bout de temps. On se l'entend... Moi, j'étais bien intégrée à de la série, enfin, l'univers de la série. Se lancer sur un long métrage, c'est assez surprenant parce que, effectivement, comme il n'y en avait pas eu jusqu'ici, moi, je n'en avais pas fait. Je ne voyais pas très bien quel était le schéma de fabrication. Les étapes ne se font qu'une seule fois, à l'inverse de la série où les étapes se renouvellent pour chaque épisode. Mmh. Là, il y avait des étapes qui, une fois qu'elles sont achevées, elles sont définitivement achevées. On ne revient pas dessus. Et le faire moi j'avais une grande confiance dans Michel, donc je voyais bien qu'il savait mener la barque, savait où il allait. Malgré tout, on sent qu'il y a une forte pression. Pour les armateurs, c'était leur premier long métrage important. Et donc eux aussi, ils avaient un petit peu la pression, puis nous mettaient aussi la pression. Donc, c'était pas évident, mais je pense que très vite on s'est. Le fait aussi d'être à Angoulême, un peu comme Jean-François à la fabrique à Saint-Laurent, d'être un peu excentré de Paris, ça fait qu'on ressent moins la pression des chaînes de télévision, des producteurs, des distributeurs qui passent, qui viennent voir, qui s'inquiètent. Finalement, on peut travailler tranquille, on fait son petit bonhomme de chemin et on sait où on va. Très vite, l'ambiance était très agréable, l'équipe était sympathique et tous, on voyait bien que ce qu'on était en train de fabriquer, c'était très beau, donc on avait confiance. Il y avait une conscience en tout cas, pas forcément que le film évidemment allait marcher, loin de là, mais en tout cas il y avait une conscience que quelque chose de fort et de beau se créait. Oui. On n'était pas... Savoir qu'il allait marcher, personne ne pouvait le dire, mais effectivement, tout ce qui s'affichait sur nos écrans d'ordinateur ou qui se dessinait sur le papier et ce qui se peignait, parce qu'une partie des décors de Kirikou sont peints à la main. Tout ça, dès qu'on ouvrait un carton à dessin, tout le monde était sous le charme. Donc on voyait bien qu'on n'était pas en train de fabriquer une horreur. Mmh. Et ça, c'est très rassurant. C'est sûr. Donc après, il y a le succès Kirikou. On va en reparler un petit peu puisqu'on va parler de Kirikou et des bêtes sauvages. Et puis quand même, ce qui est intéressant, il y a l'aventure assez étonnante des triplets de Belleville où tu retrouves donc Sylvain Chomet qui était à la fabrique. On en vient d'en parler. Mm-hmm. Comment ça se passe Sylvain, je l'ai rencontré à la fabrique. À l'époque, il faisait des courts-métrages et des clips pour la télévision et le cinéma. Et il est parti assez vite de Saint-Laurent, puisqu'il avait déjà le projet de fabriquer La Vieille Dame et les Pigeons. Et donc, il s'est expatrié au Québec pour faire son court-métrage. Il y est resté, c'est là qu'il a mis en route la production des triplettes de Belleville. Moi, de mon côté, je faisais une série pour les armateurs. Et il y a eu un petit souci au niveau du compositing. Oui. Et donc, on m'a appelé à l'aide. D'accord. Donc, comme j'avais fait celui de Kirikou et la sorcière, que Sylvain me connaissait bien, qu'il appréciait le fait que j'ai appris mon métier à la fabrique et que je le connais. On se connaît, on a travaillé côte à côte sans jamais travailler ensemble avant cette expérience-là. Et on savait, on a le même esprit dans le travail. Donc, il m'a appelé à l'aide en me disant, le compositing, ça marche pas. Juste pour les auditeurs qui sont pas spécialisés, le compositing, dis-nous-en un peu plus. Expliquer le mot barbare du compositing. Oui. Alors, dans le temps, on dessinait sur du papier avec des crayons. Ensuite, on transférait ça sur des cellos et on peignait avec de la peinture. Aujourd'hui, une fois qu'on a fait les dessins sur du papier avec des crayons, on scanne tout ça sur ordinateur. Donc il y a une étape de scanner pour intégrer le dessin dans l'ordinateur, une étape de coloration qui se fait directement dans l'ordinateur. Et le compositing, c'est l'étape de fin qui consiste à superposer l'animation des personnages mis en couleur sur les décors couleurs et à fabriquer les effets spéciaux, les mouvements de caméra. C'est la fabrication finale. Donc c'est primordial, évidemment, puisque toute la mise en scène se met quasiment en place. C'est là qu'on fabrique les images. Voilà. Sans images, il n'y a pas de dessin animé. Donc, deux succès. On a Kirikou qui est pendant ce temps-là un énorme succès. Les triplets de Belleville qui est aussi un énorme succès, parce que Kirikou, la force de Kirikou, c'est ça réunit les parents et les enfants. Du coup, les parents étaient très contents d'amener leurs enfants. Et là, les triplettes, on a un film plus pour adultes. Pareil, quand tu es sur le tournage, pour les gens qui connaissent pas forcément Sylvain Chomet, La Vieille Dame et les Pigeons, c'est déjà un graphisme très particulier, déjà une histoire très particulière. Une vieille dame qui va donner des pigeons et puis un gardien de square qui est affamé, qui décide de se déguiser en pigeon. C'est édité en DVD, c'est très intéressant à voir. Est-ce que pareil, sur les triplettes, tu... Euh, L'ambiance était comment? On se rend compte aussi quand, que là, on est avec quelqu'un qui aussi a une vision très particulière, on a confiance et on... Alors oui, La vieille dame et les pigeons était un film que j'avais vu, que je connaissais. J'avais apprécié et je retrouvais l'univers de Sylvain. Lorsque je suis partie, j'avoue que je n'avais pas vu d'image des triplettes de Belleville, si ce n'est celle qui figurait dans le dossier de demande de subvention. Et... Ah oui. Voilà, alors ça se réduit à peine 3-4 images, c'est pas beaucoup. Et puis, malgré tout, je me suis lancée dans l'aventure. Il fallait partir au Québec, ça c'était quand même un attrait... Non, on va de plus en plus loin, Montpellier, voilà. Maintenant le Québec. Je suis un nomade. Hein, de l'animation, il faut savoir faire ses bagages et prendre sa tente et aller la planter ailleurs. Aujourd'hui, oui. Hein, voilà, c'est... aujourd'hui, c'est un peu obligatoire. Et je suis donc partie retrouver Sylvain. Et quand je suis arrivée, tout de suite, j'ai vu sur les quelques... Bon, les décorateurs, eux, travaillaient déjà depuis un certain temps. Et rien qu'à la vue des décors et des animations au trait, j'ai vu tout de suite que ça allait être superbe. Le compositing prévoyait d'être redoutable et oui. A été redoutable. Mais les images étaient superbes. Oui, très, très vite, on a senti que... Tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit les animateurs, les décorateurs, les gens qui faisaient le scan et la colo avec moi. C'est vrai que même à Montréal, c'était pas fabriqué de films comme ça depuis très longtemps. Au Québec, hormis l'univers très fermé de l'Office national du cinéma, la production est plutôt pour de la série télé, de la sous-traitance. Des choses très, très, très standards, un trait fermé, net, des couleurs à plat, et voilà quoi. C'est... Là, pour tous ceux qui venaient rejoindre l'équipe et travailler avec nous, c'était une surprise d'abord, et ensuite l'opération séduction marchait tout de suite. Ils sont restés, même si c'était dur. Ce qui n'est pas étonnant, donc, puisqu'après, il y a ces deux incroyables, et puis on arrive en 2001-2002. Voilà. C'est ça. Et ensuite, on va arriver à Kirikou et les bêtes sauvages. Mais avant d'arriver à Kirikou, on va écouter la bande-annonce. Kirikou, tiens-toi convenablement. Je suis les traces d'un oiseau à trois pattes. Et ne dis pas de sottises. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. Non, l'eau est là. Comment? L'eau est revenue? Oui, puissante maîtresse! On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Alors, je vous raconte. Tu crois qu'ils vont revenir? Chut! Que venait faire cette hyène dans mon légume? Et qui vous dit que ce n'était pas Carabas transformé en hyène? Kirikou est petit, mais il réfléchit. Est-ce que cela fait du bien à Carabas de nous faire du mal? Je ne le pense pas. Alors, pourquoi le fait-elle? Les fétiches ont saisi Kirikou. Non, maîtresse, il a grimpé dans un arbre et il se moque d'eux. Kirikou, Kirikou, l'enfant nu. Donc c'était la bande-annonce de Kirikou et les bêtes sauvages. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, Bulle de rêve, l'émission 100% animation. Et donc je suis toujours avec Bénédicte Galup, la co-réalisatrice de Kirikou. Donc on est en train de parler donc de... Hein, des triplettes, les triplettes se finissent, et puis moi c'est quelque chose qui me... est-ce qu'on peut rappeler la genèse du film? Parce que c'est une genèse quand même qui est assez compliquée, parce que Michel Hosto ne voulait pas faire de deuxième film avec Kirikou. tu nous l'as dit toi-même au début, c'est vrai que toi aussi, une fois que la page est tournée, malheureusement ou heureusement pour nous maintenant, il y a derrière un producteur qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et donc voilà, donc, au début c'est quoi? Alors en fait, donc Michel était très ferme sur sa position, il n'y aura pas de deuxième Kirikou. Et la pression a été telle de toutes parts. Hein. Le public, bon, il a quand même accompagné énormément Kirikou à travers le monde. Souvent, le public est venu le voir en lui disant « Oh, c'est super !» Bon, bien sûr, il y a l'engouement du film qui plaît, le petit personnage. Et c'est revenu très, très régulièrement. Et puis donc ça... Ça l'a quand même travaillé, je pense. Et puis ensuite, bon, la pression des distributeurs, des producteurs, de tout le monde, lui disant des petits personnages comme ça, on en crée un que tous les 10 ans. Il en apparaît un que tous les 10 ans, qui fait l'unanimité, qui est fédérateur, qui plaît comme ça à ce point-là. Et donc, bon, c'était pas... Malgré tout, il avait pas trop envie. Et puis... Bon, on s'est présenté un projet pour la télévision de spécial Noël, donc, qui est donc un format un petit peu plus long, de 45 minutes. Et c'est, sachant que quand on fabrique un spécial Noël, le budget n'est pas le même que pour une série. Ce n'est pas non plus le budget d'un long métrage, mais c'est quand même un budget qui permet de faire des belles choses. Et donc, ben, il a commencé par dire un oui timide, et puis pour un spécial Noël, en fait. Et qui est devenu 2 spéciaux Noël, oui. Puisque c'était après un spécial Noël et un spécial Nouvel An. Et ensuite, bon, bah, très vite, à partir du moment où il a eu lâché son oui, c'est devenu un long métrage pour le cinéma. Et le budget étant là très très très vite, bon, c'est devenu un vrai long métrage. Oui, parce que c'est la force d'un personnage comme Kirikou, malheureusement pour Michel Oslo, c'est qu'au bout d'un moment, il appartient presque plus à son auteur. C'est un peu comme une... On l'entendra tout à l'heure, il parle de Rockstar quand c'était, vous êtes allé à Cannes avec le film. Mais c'est vrai que, bon, je ne sais pas si Michel Oslo est une rockstar, mais en tout cas, Kirikou, oui. Quand je disais que c'était une star, c'est une vraie star. Moi, je sais ce qui est même surprenant, et je crois que c'est d'autant plus intéressant, c'est Kirikou a ta même, on va dire, genre ce petit bonhomme noir, qui est noir quand même, faut le rappeler, a ta même, moi, petite anecdote personnelle rapidement, a ta même des personnes de ma famille qui, malheureusement, on a tous des gens comme ça dans notre famille, enfin, moi, malheureusement, qui votent un extrême qu'on n'aime pas trop et qui d'un seul coup se reconnaissent dans ce petit bonhomme noir. Donc d'un seul coup, il a une importance qui pour aujourd'hui, avec tout ce dont on parle par rapport à notre société française, mixité, pas mixité, intégration, etc., d'un seul coup, lui, il fait voler ça en éclats, en fait. Ah oui, il y a une grande unanimité autour de lui et c'est vrai qu'il fait voler en éclats beaucoup de choses, beaucoup d'idées reçues. Moi, je suis toujours surprise quand je le présente dans des écoles, dans des classes, aux enfants. Ils sont capables de s'identifier à lui sans aucune difficulté et de l'accepter, de l'aimer. Il est tout noir, il est tout nu, il est plus petit que la moyenne, il est hors norme. Ils aiment beaucoup ça parce que finalement, ils se rendent compte que être grand, beau et fort, c'est un beau rêve, mais bon, c'est le rêve inaccessible. À la rigueur, être petit et faire travailler sa tête, c'est à la portée de tout le monde. Donc, je pense que ça résout beaucoup de choses. Et puis que, sans doute, l'intolérance, ça vient en grandissant. Mais que là, bon, en attendant, quand on est petit, Kirikou, ça passe tout seul. Ah, ça parle à tout le monde. Alors. Ça parle à tout le monde, oui. Donc, on revient sur Michel Oslo qui finit par craquer. Le budget est... réunis en alors, un rien de temps. En 6 mois. Voilà, c'est ça, alors que normalement... Voilà, le créateur dépassé par sa créature, alors qu'il est embarqué sur un autre film à cette époque-là, donc un autre long métrage qu'il a commencé à cette époque-là depuis presque 5 mois, Kirikou le déborde de toutes parts. Le budget est réuni en 6 mois. Les 4 histoires, donc il en existait déjà 2, les 2 dernières histoires... s'écrivent assez vite aussi et très vite on s'installe à Angoulême et on se lance. Alors très vite on s'installe, oui, mais tu es quand même donc d'un seul coup tu deviens co-réalisatrice du film. Comment ça se passe? Parce qu'évidemment il est sur Azur et Asmar, donc quel est son nouveau projet, enfin quel est son projet d'après Kirikou principal. Normalement, voilà. Voilà, principal en effet, donc principal. Évidemment il peut pas être tout le temps, il peut même être pas souvent sur le tournage, donc comment ça se passe? Et les armateurs les armateurs m'avaient contacté pour la partie télévisée en me disant est-ce que ça t'intéresse d'éventuellement les réaliser. D'accord. Bon, la télévision je connais bien, hein, j'ai fait quand même beaucoup de séries. J'étais surprise parce que j'avais pas eu d'écho de Michel, donc j'osais pas dire oui, je veux bien le réaliser sans être sûre que je me disais je vais pas lui prendre sa place quand même. C'était un peu étrange cette situation. Et puis je l'ai très vite vu ensuite. Nous en avons parlé et il m'a dit oui, je peux pas faire, je peux pas être partout. Il faut que je partage cette réalisation là. Et donc, nous avons accepté de le faire à deux pour que lui puisse, par ailleurs, continuer à gérer la fabrication de l'autre long métrage en même temps. Et donc, que celui-là puisse se faire, parce que réaliser un film, ça implique quand même d'être là au quotidien. Et il y a toute une partie de la fabrication qui a besoin de chaque jour de réclamer l'aide du réalisateur. C'est ça, donc en fait, co-réalisation sur un film comme Kirikou et les Bêtes Sauvages, c'est quoi ? C'est, sans rentrer dans le détail, mais c'est d'un côté scénario et direction artistique d'un petit peu loin de Michel Hosteau, et toi par contre tous les jours sur le... Un petit peu comme ça. À tout vérifier, c'est ça. Un petit peu comme ça. Disons que la pré-production, on l'a faite vraiment conjointement. Je me suis installée à Angoulême où se trouvaient les archives du premier film. C'était plus facile pour aller puiser dans les cartons d'animation. Le papier, c'est quand même très encombrant, et donc il faut stocker ça dans des hangars. Ça prend vite beaucoup de place. Donc c'est à Angoulême. C'était aussi parce que sur place, comme pour le premier film, j'étais sûre de retrouver des techniciens et puis une certaine douceur de vivre, loin de la trépidante vie parisienne. Et donc je suis descendue moi sur Angoulême, et avec l'aide du directeur de production François Bernard, nous avons donc installé un studio pour la partie dessin. Et Michel est resté sur Paris pour pouvoir gérer tout ce qui était le son, tout ce qui concernait le son, sachant que selon sa méthode de fabrication, la première chose que l'on fait quand on fait un film, c'est d'enregistrer les dialogues. Donc il a tout de suite commencé à travailler ici sur Paris pour enregistrer les dialogues, tandis que j'installais sur Angoulême un studio avec des animateurs et des décorateurs. Et jusqu'à la fabrication des storyboards, nous sommes restés en contact très fréquent. Le TGV, ça permet de voyager, de faire Paris-Angoulême en 2h30. Exact. Et donc, voilà. Et donc, d'être très facilement mobile sans que ce soit... sans que la journée soit mangée par le voyage. Puis je suppose qu'il y a maintenant avec Internet aussi, il y a des choses plus faciles qui sont... On peut envoyer des rushs, des choses. Jusqu'à la fabrication des storyboards, on a vraiment été très, très régulièrement en contact et ensemble. Et puis après, donc on s'est un petit peu éloigné. Il est retourné travailler intensément sur Azure et Asmar pendant quelques temps, pendant que se mettait en place la fabrication de l'animation, des décors. Chose qu'il a suivi de très près, mais qui pouvait se faire aussi par Internet, puisque je pouvais lui envoyer très facilement les décors en couleur, les décors au trait et l'animation qui voyage aussi par Internet. Donc voilà, je suis restée un an et demi sur Angoulême pour fabriquer toutes les images jusqu'au bout, jusqu'au compositing final. De nouveau. Voilà, de nouveau, qui s'est lui fabriqué dans le studio Spirit. Lui était sur Paris. Voilà. D'accord. Alors on a Angoulême et Paris, mais il faut pas oublier évidemment la Lettonie et le Vietnam, car évidemment économiquement, mais on a expliqué peut-être artistiquement aussi, mais économiquement c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, je sais pas encore une fois, mais c'est vrai que c'est moins cher. Les gens sont malheureusement payés moins à l'étranger, et donc c'est Donc là, en fait, c'était... Bon, on savait que l'animation, on ne pourrait pas la faire en France. Maintenant, avec François Bernard, ce qu'on voulait faire, c'était quand même essayer d'en fabriquer un petit peu en France, aux grandes dames du producteur qui se demandait ce que nous étions en train de fomenter dans notre coin. On a engagé une équipe d'animateurs. C'est leur travail principal, mais nous leur avons demandé de faire du layout, puisqu'on savait qu'on sous-traiterait la majeure partie de l'animation au Vietnam. Donc le choix du Vietnam, bien, c'est parce que c'est un studio dont on avait entendu beaucoup de bien. Je tenais pas à partir très très loin en Orient, parce que y a quand même des pays orientaux où dessiner des corps nus pose un problème culturel. Ouais. Donc là, il a quand même fallu demander, se faire confirmer qu'on pouvait dessiner des corps nus au Vietnam sans qu'il y ait de soucis avec l'administration et les bonnes mœurs et, oui. et les mentalités locales. Et puis, c'est aussi un studio qui a été créé par quelqu'un qui venait de la fabrique. Toujours. Encore, décidément. Voilà. Ce studio a été créé par Vincent Montluc, qui était parti au Vietnam pendant quelques temps et qui a installé sur place une structure. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui la gère ni qui s'en occupe. Mais donc, beaucoup de gens sur place ont appris leur métier de ses mains et c'est lui qui leur a enseigné. Et j'ai retrouvé des choses que je connais bien aussi. Et puis, aujourd'hui, c'est un studio qui appartient aux humanoïdes associés. Voilà. Et donc, la majeure partie, je dirais 80% de l'animation, s'est fabriquée là, avec l'aide de 3 Français. Nous avons envoyé sur place un superviseur, qui est aussi celui qui a fait les storyboards du film. Olivier Rénal a fait 3 storyboards sur 4 comptes. Il était celui qui connaissait le mieux le binôme Michel Oslo-Bénédicte Galup, donc qui pouvait le plus facilement transmettre ce que nous voulions dans chaque plan. Bien sûr, il avait fait les storyboards, mais aussi de nous avoir côtoyés tous les deux, il savait comment on réagissait, comment on travaillait. Ça, oui, voilà, c'est très important. C'est important d'avoir sur place quelqu'un qui comprend votre langue, avec qui vous pouvez converser. Et qui peut transmettre ce que vous aimez, ce que vous désirez directement, puis s'assurer que c'est effectivement compris, parce que les traductions sont toujours approximatives et la langue française est trop subtile pour ça. Mmh. Et les 2 autres Français étaient engagés par le studio Armada, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et Armada avait engagé 2 personnes de Montpellier. c'est bien d'ailleurs. Voilà, mais beaucoup à être tombé dedans. Et j'ai retrouvé Jean-François Galato et Pascal Ropars, qui D'accord. ont été donc tour à tour directeurs d'anime sur place. Et leur rôle à eux était de continuer à enseigner aux gens, aux animateurs sur place, l'animation, et surtout de les aider à dessiner ces corps nus qui ne sont pas si faciles que ça à dessiner, ainsi que les animaux qui sont quand même assez redoutables. Ouais. La girafe avec toutes ses taches, je reconnais que c'est pas c'est pas cool. Non, c'est vrai que c'est parce qu'il y a plein de bêtes sauvages, évidemment, c'est dans le titre. Et juste, on a parlé du Vietnam, et c'est intéressant parce que de parler aussi de la Lettonie, parce que, bon, Michel Oslo en reparle dans la petite, donc on va pas trop, mais c'est vrai que c'est étonnant toutes ces dames. Alors, c'est qu'appartenait à un studio qui a changé de nom, enfin, etc. Voilà. Ça, mais c'est les mêmes que Alors, sur le premier. Le Vietnam avait du mal à terminer le travail, donc la Lettonie est venue à son secours. Et à l'époque où nous avons fait Kirikou et la sorcière, il n'existait qu'un seul studio en Lettonie, à Riga, qui s'appelait, c'est le studio Riga Film. Et bien, la Lettonie est aussi victime de son succès, et donc la demande est devenue si forte que le studio s'est scindé en 2. Et D'accord. aujourd'hui, il y a plusieurs studios à Riga. Et le studio Jet Media, qui a travaillé avec nous, a été créé par Inga Praolina, qui était donc chef animatrice sur Kirikou et la sorcière. Et Inga avait à ses côtés une douzaine de dames, puisque ce ne sont que des dames qui dessinent là-bas. Et donc elles se sont replongées avec plaisir dans l'univers de Kirikou. Et sont venus au secours du Vietnam, qui avait un petit peu de mal à achever sa tâche. Alors, pour finir le côté technique, après on va quand même parler évidemment de l'histoire, mais pour finir le côté technique, c'est incroyable. Donc il se finit en combien de temps Parce que c'est un tour de force là au niveau de la production, post-production, pré-production, tout ça se fait en combien de temps le Kirikou? Alors ça a été fait en 18 mois. 18 mois, Kirikou les bêtes sauvages, 18 mois. Voilà, 18 mois, on a battu un record. Ben oui, c'est impressionnant. On a battu un record, et d'autant plus qu'on a quand même fabriqué un sixième de l'animation en France, puisque ces fameux animateurs dont je parlais tout à l'heure, nous leur avons fait faire sur place à Angoulême, d'abord des animations références qu'on a envoyées à la fois en Lettonie et à la fois au Vietnam. Alors ça concerne les danses, ça concerne les déplacements de certains personnages, la maman de Kirikou, Kirikou lui-même, ses courses, sa marche à coupe-peton, et puis ça concerne tous les animaux, la marche de face et de profil de la girafe, le buffle, enfin toutes ces animations qui devaient, dont on voulait être sûr de la qualité, on les a faites à Angoulême. Ensuite, on les a envoyées au Vietnam et en Lettonie. Ça leur permettait d'avoir vraiment une référence une base, et pouvoir dire voilà, d'accord. Une base de travail. Et puis, on a, pour le plaisir, animé la première moitié de la girafe et la fin du fétiche égaré, donc qui est le quatrième conte, parce que là, il y avait urgence, il fallait être prêt pour Cannes. Donc, pour aider et le Vietnam et la Lettonie, Angoulême s'y est mis aussi. Ah, donc, trois, c'est pour ça qu'on a 18 mois. Juste voilà. Pour les auditeurs, Kirikou la sorcière, c'était combien de trois temps ans. 3 ans. Et encore que le côté technique. Oui. Parce que là, on parle 18 mois, quasiment tout, production. 18 mois, c'est tout. Pré-production, production et finition de post-production, le son, le mixage, le bruitage, le tirage des copies, tout bouclé en 18 mois. Alors que si je ne dis pas de bêtises, Michel Sousse disait que sur le premier Kirikou, il y avait eu 2 ans voilà. pour chercher l'argent, rien qu'en pré-production, c'était quasiment 2 ans. Mais là, nous avons bénéficié de plein de choses. D'abord, le premier film, ça a quand même beaucoup aidé. Beaucoup de choses sont déjà définies, servent déjà de référence à tout le monde. Mmh. Et puis, eh bien, il y avait une bonne direction de production qui avait bien réfléchi au rouage de chaque secteur de production. Et puis, le partage à deux. C'est vrai que je me suis plus occupée des images et Michel plus du son. Et je reconnais que lorsque j'ai eu fini les images, je suis venue m'impliquer dans le son et je me suis rendu compte qu'il faut, si on est un seul réalisateur, il faut garder un petit peu d'énergie sous le coude parce que le son c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie et quand on arrive au bout des images, on est un peu au bout de son énergie et si on n'avait pas été deux, je pense que ça aurait nécessité plus de temps. Oui, c'est ça, les 18 mois de toute façon, voilà, c'est pour ça qu'il y avait une vraie... On peut vraiment dire qu'il y a une vraie... Enfin, je vais pas revenir sur le thème, mais là, une vraie choralisation. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez été tous les deux... Enfin, c'est pour ça que je disais, Michel Sousse, du côté plus scénaristique et au niveau de ce travail directeur, en disant, bah, là, j'aimerais ça, et ça. Et toi, plus au niveau technique, sur place, en disant... On a été chacun le garde-fou de l'autre. J'étais fatiguée, je ne voyais plus les défauts des images, mais lui, il avait un regard neuf sur les images. Il était aussi fatigué, il n'entendait plus forcément les défauts du son ou ce qui manquait ou ce qui n'était nécessaire d'ajouter. Et comme j'avais des oreilles neuves sur la chose, puisque moi je débarquais, je pouvais entendre peut-être des choses qui me dérangeaient ou qui me choquaient. Et puis de se retrouver tous les deux côte à côte, face aux producteurs ou face aux techniciens ou face aux... Ça permet, quand on est un petit peu fatigué, de sentir que l'autre est là. Et d'avoir de l'aide. Voilà, d'avoir de l'aide. On se sent... C'est toujours... On est plus fort à deux, c'est sûr. C'est évident. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que alors, quand on voit le film, les 18 mois ne se sentent pas du tout au niveau de la qualité du film. Il y a une qualité, alors bon, ça c'est à part, c'est moi qui le dis, mais vous allez le voir quand vous allez voir le film. Au niveau, c'est vrai que, mais ça c'est pas, c'est évident, par rapport au premier film, il y a une qualité au niveau des couleurs, au niveau de l'animation qui est vraiment présente, quoi. C'est impressionnant à chaque image. En plus, c'est vrai que ça va être dit après, donc je ne vais pas faire de redondance, mais c'est vrai qu'il y a une luxuriance, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a plus de plantes, de fleurs, d'arbres, d'animaux, enfin c'est une merveille. Je pense qu'on doit ça à toute l'équipe des techniciens qui s'est vraiment investie à fond et qui chacun s'est vraiment jeté à l'eau au départ parce qu'il y en a qui connaissaient déjà Michel, il y en a qui connaissaient son univers, il y en a beaucoup d'autres qui ne le connaissaient pas. J'ai récupéré une partie de l'équipe des triplettes. on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, voilà. Et puis... et je crois que tout le monde s'y est vraiment donné à corps perdu. Tout le monde était très heureux de faire ce film-là. C'était déjà un petit peu de la magie de Kirikou qui agissait. Les Outman qui étaient sur Angoulême et qui ont aussi fait de l'animation, les décorateurs qui étaient là sur Angoulême aussi, tout le monde était très content de faire ça, avait tellement envie de faire mieux que le premier, plus beau, plus surprenant, parce qu'effectivement il faut quand même ne pas resservir la même recette que la première fois, donc il faut trouver de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Et chacun a eu ça à cœur, vraiment, de se dire, on fait quelque chose de très beau, allons-y. Même au Vietnam, ils étaient un petit peu frileux au départ. Ils sont habitués à faire de la série pour la télévision. Les voilà qui se trouvaient devant le fait accompli, il fallait qu'ils fassent un long métrage. Ils avaient un petit peu peur, il n'y avait pas beaucoup de candidats au départ pour venir travailler sur le film. Et quand je les ai vus à la fin, puisque je suis allée deux fois à Ho Chi Minh, les derniers jours de fabrication, c'était, vous savez, maintenant on est bien chaud, hein, alors si vous avez un cinquième compte, on est on est preneur. Donc c'était magique. Et ensuite j'ai découvert des gens qui faisaient le son aussi impliqués et cherchant à faire les plus beaux sons, le petit détail que personne n'a vu mais qu'il faut sonoriser, une lance qui tombe, une cuillère qui choque un chaudron, et je me suis dit mais ils sont aussi fous que ceux qui dessinent. Mais ils étaient passionnés, vraiment des gens passionnés qui se sont investis dans ce film jusqu'à plus soif. Je dis toujours qu'un bon réalisateur, c'est celui qui sait dire stop, parce qu'il faut savoir s'arrêter et ne pas trop en demander. Mais là, il fallait dire des fois stop parce que j'arrivais pas à les arrêter. ils voulaient toujours en faire plus, presque plus que les réalisateurs eux-mêmes. Mais bon, c'est étonnant, rester dans le style Kirikou aussi. Oui, de toute façon, il fallait rester un peu. Alors, vous êtes toujours à Bulle de rêve, hein. Je parle avec Benoît Galup de Kirikou et les bêtes sauvages, et puis je crois qu'on va continuer. Je crois qu'on va changer un petit peu l'ordre de l'émission. C'est comme ça, des fois ça arrive, c'est encore une fois la magie de Kirikou, parce qu'on a parlé technique, c'est bien, mais on n'a pas du tout parlé de l'histoire, et c'est quand même important. Donc pour faire juste un petit break, on va quand même écouter, vous allez voir, un petit montage avec de la musique et d'extrait. Ça vient de Kirikou et les bêtes sauvages, on écoute. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir, l'enfant nu. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir, l'enfant nu. Kirikou, Kirikou, l'enfant nu, l'enfant noir. Enfant, mais pas naïf, petit, mais pas craintif. Il pense à chaque fois. Puis il fonce dans le tas. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Je me promène. La vue est très belle d'ici. Mais comment vas-tu descendre? Je ne sais pas encore. Je réfléchis. Tu auras beau réfléchir, où tu restes, où tu te casses le cou. Surtout, tiens-toi bien. N'aie pas peur, mère. Je suis bien assis et bien agrippé au corps. Éloigne-toi. On ne veut pas de ces fétiches ici. On ne savait pas que ces endroits existaient. J'aimerais bien qu'elle s'arrête maintenant. Celui-là, je ne le rate pas. Je vais faire le trou. Voilà la bêche. Regardez les yeux. Ça ne va pas. Les manches dépassent. Oui, mais cela peut faire de gros sourcils. Non, cela fait des oreilles de lapin. Si on les peint en noir, cela pourrait passer. Je sais où trouver du noir. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est peindre les yeux des fétiches en rouge. Je sais où ma mère met sa teinture. Tiens, prends la petite, j'y vais. C'est vraiment assommant, les enfants. Si tu la portais sur ton dos, elle nous laisserait tranquille. Bon, ce serait bien de trouver aussi une bouche pour le fétiche. Ma mère m'a offert un petit peigne. Cela peut faire une bouche avec des dents. Une bouche avec des dents? C'est une bonne idée. J'y vais. Tiens, prends la petite. Tu dois lui soutenir la tête et le derrière. Mais pas la tête en bas! J'ai la petite mèche. Comme ça, ça va? Oui, pas mal. Maintenant, berce-la un peu pour la calmer. Arrête! Tu dois être très doux. Et toi alors? Tu as failli m'écraser. On l'appelle Caraba. Avec sa fétiche, elle fait peur. Mais il y a ce petit bout de bonhomme qui n'a pas peur. Il défie Caraba, la sorcière. Kirikou, ce petit bout de bonhomme, Kirikou, et ses grandes idées. Donc, c'était un petit montage. Vous avez entendu en premier Youssoundour, qui chante L'enfant nu, l'enfant noir, qui est la chanson. On va dire un peu comme l'était Kirikou et Petit, c'est un peu la chanson générique du film. Ensuite, on a un extrait d'un... on va dire, c'est drôle, il y a des extraits de mes deux contes à moi préférés. L'extrait de Kirikou qui est sur la girafe et qui voyage. C'est une très belle promenade, comme dit Michel Osland. Vraiment, on est dans une promenade dans l'Afrique où il découvre toute une partie de l'Afrique que nous, on ne connaît pas, qui est très, très beau. Et on a ensuite extrait du dernier, qui est la bière empoisonnée, c'est ça? Le fétiche égaré. Le fétiche égaré, qui est très, très, un très beau conte aussi. Et on finit par Rokia Traoré, la très belle Rokia Traoré sur... une chanson sur Caraba qu'on entend donc à la fin en fait, au générique de fin. Donc très très beau, très beau. Donc on a à quel moment, Bénédicte Gallieu, à quel moment se situe Kirikou et les bêtes sauvages? C'est pas la suite, faut bien dire aux gens qui nous écoutent, on n'est pas du tout dans une suite traditionnelle, c'est pas Kirikou 2, hein, ça se situe à quel moment du premier film de Kirikou et la sorcière? Alors en fait, Kirikou et les bêtes sauvages s'insèrent au milieu de Kirikou et la sorcière. Juste après que Kirikou ait rendu l'eau au village. On retrouve au début du film la fontaine avec tous les villageois. Et Kirikou, que sa maman vient de se tirer de l'eau où il s'était un petit peu noyé. Et ensuite, on enchaîne sur quatre aventures de Kirikou. C'est la genèse, en fait, de ce principe de voir quatre contes. C'était un désir de Michel qui, dans Prince et Princesse aussi, a réuni plusieurs contes les uns derrière les autres. C'est une formule qu'il aime bien. Lui préfère finalement travailler, même s'il est en train de faire un autre long métrage, il préfère la formule court métrage. Et c'est aussi quelque chose qui vient du premier film. Sur le premier film, on avait fait un storyboard qui était trop long. Michel avait fait beaucoup de séquences qu'il a été obligé d'enlever. Parce que ça faisait finalement un long métrage qui allait dépasser une heure et quart et ça, c'était trop pour des enfants. Donc on avait coupé au moins deux séquences qui étaient sur le même principe, c'est-à-dire c'était une belle aventure de Kirikou qui sauve soit les enfants du village, soit qui combat Caraba. Et donc il a repris ce principe de se dire on va montrer les belles actions de Kirikou, les belles aventures de Kirikou lorsqu'il était petit, lorsqu'il combattait Caraba, la méchante sorcière, parce qu'on n'arrête pas de parler de Kirikou, mais les enfants comptent bien sur le fait qu'on va voir aussi Caraba. Ça n'a pas d'intérêt si la méchante n'est pas là. C'est sûr, et puis quelle méchante, elle est assez extraordinaire, voilà. Donc c'est vrai que... Donc elle est là. Et ce sont ces belles actions, ces belles aventures présentées sous forme de petits courts-métrages réunis par, bien sûr, le grand-père dans sa grotte qui lit tout ça de sa belle voix grave. Alors, le film parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de dialogue dans celui-là que dans le premier. Oui, ça parle plus. C'est plus sur le fait que, comme chaque... conte doit vite se dérouler, que tout doit être fait assez vite, relativement vite. effectivement, on parle bien plus que dans le premier. Il y a plus de musique. Et est-ce qu'on peut dire quand même que le film, moi j'ai trouvé ça à part en un ou deux, enfin il y a un des sketchs, le film est quand même un petit peu plus pour les plus petits que le premier Kirikou. Est-ce que tu es d'accord ou pas du tout avec moi? Moi, en sortant, je me suis dit, j'ai vu les enfants qui sont évidemment ravis de retrouver Kirikou comme nous, mais par exemple, il y a moins de choses avec la mère. Elle est là, elle est présente, heureusement, mais c'est vrai qu'il y avait énormément touché les adultes dans le premier. Le premier avait une grande histoire, presque une légende à raconter, qui contenait bien sûr le secret de Karabakh et sa douleur et sa guérison. Dans celui-là, cette chose très grave n'existe pas. Donc c'est effectivement un petit peu plus léger comme histoire. Maintenant, je pense que les adultes peuvent aussi y trouver un autre plaisir qui n'est pas plus lié à l'histoire, mais qui est peut-être plus lié aux images et à la musique. Et puis, malgré tout, pour beaucoup de gens, c'est toujours retrouver l'univers de Kirikou, retrouver l'Afrique. C'est fou le nombre de gens qui ont un amour pour l'Afrique ou qui y sont allés ou qui sont originaires de là-bas et qui ont plaisir à aller voir ces images aussi pour ça. Oui, parce qu'en plus, il y a deux choses nouvelles. Il y a une très belle idée, c'est donc un sketch où ils ont construit des poteries pour aller les vendre, qui est très beau, ça fait des très belles poteries, Kirikou comprend comment se fait la poterie, il y a de très beaux moments. Et j'entendais Michel Asselot qui disait tout à l'heure, donc sur une autre radio, pas très intéressante, mais qui disait quand même quelque chose de, par contre, assez intéressant, il disait, c'est vrai parce que j'avais pas fait attention, il a voulu à un moment donné, ils partent en ville. Donc on voit une ville africaine, on sort du village de Kirikou, qu'on connaît du Kirikou et la sorcière. Et là, d'un seul coup, il disait, pour montrer la flamboyance, notamment des costumes et des habits, et c'est vrai que c'est absolument magnifique, dès qu'on rentre dans cette ville, il y a des bijoux, toutes les couleurs des habits, on sent vraiment quelque chose de... Le désir... Nous avions un désir commun de montrer... d'élargir l'univers de Kirikou et la sorcière, en montrant que... D'abord, c'est, géographiquement, c'est plus vaste et c'est très divers à tout point de vue, que ce soit dans les décors, que ce soit dans les personnages, effectivement, et aussi la musique, puisque Michel a voulu aussi un panaché musical. Manu Dibango a conçu des thèmes qui, moi, je saurais pas vous dire lesquels, mais viennent de différents points d'Afrique. C'était vraiment d'élargir cet univers, de montrer qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui vivent autour, et puis effectivement de montrer la richesse de cet univers. Il est soit très riche, très luxuriant, avec des décors toujours avec des arbres, des fleurs magnifiques, ou parfois assez désertiques, mais toujours aussi beaux. Et puis, des grandes chutes d'eau, un Kilimandjaro qui surprend toujours les enfants en se disant « Ah oui, un volcan !» Il y a des volcans en Afrique. Oui, parce que c'est ça, on se balade, énormément, c'est vraiment une vraie... C'est une grande promenade. Dans le deuxième conte, on va voir la ville et on découvre son univers, un marché africain très coloré, bruyant, animé. Dans le troisième, on va visiter l'Afrique d'ouest en est. On se refuse rien, puisqu'on ira de l'Afrique de l'ouest, d'où est originaire Kirikou, jusqu'en Tanzanie et au Kenya, là où se trouve le Kilimandjaro, et retour dans la journée. C'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma, voilà. Et puis, mais on reste dans des valeurs, parce que c'est vrai que ce qu'on pourrait dire, à la fois on est dans une Afrique qui est montrée dans toute sa diversité. Nous, ce qu'on en voit, et il y a le... un sommet qui commence aujourd'hui entre la France et l'Afrique, enfin entre Jacques Chirac est parti là-bas pour discuter sûrement, pas plus. Là, ce qui est intéressant, c'est que si on voit la diversité des paysages, on voit aussi, en effet, alors dans la ville est plutôt luxuriante, on sent qu'il y a plutôt de l'argent, en tout cas on reste pour ce qu'on reste, puisque faut voir le film, ils vendent des poteries et voilà. Mais c'est vrai que dans le village, par contre, là, on a vraiment tout le premier, avec le problème de la culture, notamment des légumes, et qui est dès que c'est saccagé, c'est difficile, on se rend compte... Alors là, il faut respecter ce qui a été établi dans Kirikou et la sorcière. Caraba fait des misères au village, les gens sont tristes, il n'y a pas, toujours pas d'hommes, en dehors de l'oncle et du vieillard qui traînent sur place. Et donc, il y a peu de luxuriance dans le village même, puisque, effectivement, il est toujours sous la coupe de Caraba. Donc ça, c'est comme ça a été établi dans le premier film, et que nous nous insérons à l'intérieur de cette histoire, hein, il faut respecter ça. Et puis, ça nous permettait de montrer, de faire côtoyer justement cet univers un peu triste qui est celui du village de Kirikou avec ce qu'il pourrait être si tout allait bien, si Caraba était gentille et qu'elle ne fasse pas des misères à tout le monde, donc où les couleurs des pagnes seraient luxuriantes, les femmes couvertes de bijoux et puis les étals des marchés couverts de nourriture et de bonnes choses. et sans aller trop loin dans déchiffrer absolument, c'est pas forcément l'envie, mais c'est vrai que Caraba peut représenter, je sais pas, peut-être pas la colonisation, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça derrière l'envie de Michel Osso dans le premier film et dans celui-là, est-ce que c'était derrière dans votre tête tout le temps? Je peux pas répondre à la place de Michel, hein. mais je sais qu'il a voulu parler beaucoup de la cause de la femme africaine, ça oui. C'est quelque chose dont il nous a souvent parlé sur le premier film, que pour ce film-là, c'est la même chose. Il y a une phrase terrible pour vous, messieurs, dans le quatrième conte. qui va faire la lessive? Qui va faire laver le linge? Qui va faire à manger, vu que toutes les mamans vont très très mal dans le dernier conte? C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est toujours... Pour la cause de la femme africaine que milite Michel, je pense que pour ça, il est resté fidèle à lui-même. Après, de savoir ce qu'il a voulu mettre derrière cette terrible Caraba, je préférerais que ce soit lui qui réponde. Bien sûr. Non, c'est au cas où, comme oui, tu l'avais. Donc, c'est pour ça. C'est assez fin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est d'une évidence. Enfin, on se doute qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'on se laisse prendre dans le premier, genre la première vision. Je pense pas qu'on se dise forcément ça. C'est pas. Et c'est vrai que d'un seul coup, c'est en y pensant et en pensant à ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Lui nous dit bien que. Je pense qu'on. Je suis désolé pour une grande partie des auditeurs qui auraient voulu entendre Michel Osso, mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on a Bénédicte avec nous. Qui est la co-réalisatrice, qui a beaucoup travaillé, donc c'est intéressant d'avoir. Je pense que Michel Osso, on l'aura pour le 31 décembre, puisque la prochaine émission de Bulle de Rêve est le 31 décembre, et je pense que c'est intéressant d'avoir Yvan Westerens. On va décider tout à l'heure, mais sauf si vous voulez vite nous appeler pour savoir si vous préférez écouter Yvan Westerens ou Michel Osso. Mais on va rester là-dessus. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai qu'on a une... on sent que c'est l'Afrique que Michel Osso a connue, en tout cas, puisque plus jeune, il a vécu une grande partie sa jeunesse là-bas. Est-ce que toi, donc on a entendu tout à l'heure Vietnam, est-ce que tu étais en Lettonie? Alors non, je ne suis pas allée en Lettonie. D'accord, donc à Québec. Oui, je suis allée au Québec. Est-ce que tu as déjà été en Afrique? En Afrique, même non. Ouais. Je connais l'île de la Réunion et sa végétation qui est très proche de celle de l'Afrique que l'on décrit dans Kirikou. Par contre, je ne suis pas allée en Afrique et maintenant l'envie me taraude, donc je finirai bien par y aller très bientôt. Mais non, je ne connais pas cette belle Afrique qui est décrite dans ces deux films. Bon, et est-ce que... alors donc, voilà, ça c'est l'aventure Kirikou du Kirikou et les bêtes sauvages qui sort le 7 décembre. Il y aura un troisième Kirikou? La question piège. Alors, qui arrive. Je vais plus oser dire non parce que je pourrais avoir l'air bête dans quelques années. Mais je pense pas. Je vais faire comme après Kirikou et la sorcière. Oh non, on n'en fera jamais un deuxième. On n'en fera jamais un troisième. Non, parce que c'est évident que l'idée maintenant du troisième, je sais que Michel Osso ne veut vraiment pas aborder la suite, on va dire, et aller au-delà de Kirikou et la sorcière, comme il dit si bien. Je vous ai pris quelque part, je vous ai amené là où je voulais, et donc j'ai aucune envie forcément de faire grandir Kirikou. Kirikou, qui qui est à la fois très grand dans le film, petit par la taille, mais c'est vrai très grand par la sagesse, son côté malin et le fait de résoudre les choses. Mais c'est vrai qu'on, c'est ce qui est terrible avec Kirikou, c'est qu'en fait on sort presque du second et on a déjà envie d'en voir encore plus. Encore plus. Vous aussi, vous en voulez un cinquième, ah bah, un cinquième conte. Un cinquième conte et puis plus que ça, c'est... Je pense que bon, il s'arrêtera là parce qu'effectivement c'est une formule qu'on pourrait décliner à l'infini, hein, bien sûr, réécrire d'autres contes. Je sais qu'il aimerait plus revenir aux ombres chinoises et il dit beaucoup, enfin Michel dit beaucoup qu'après Azur et Asmar, il aimerait revenir à ses premières amours qui sont donc les ombres chinoises. D'accord. Et peut-être développer, refaire d'autres films pour pouvoir faire un autre prince et princesse, mais sous une autre forme peut-être. Et je disais quand même par rapport à Kirikou et tout ça, il y a d'autres choses aussi de Kirikou. Il y a des livres, il y a cette fois-ci, il y a eu... Il y a un CD-ROM, oui, ça y est, il a... Beaucoup de produits dérivés. Ah, les produits dérivés, ça y est, il a accepté finalement l'idée des produits dérivés. Ah, c'est pas qu'il ne l'avait pas accepté sur le premier film, c'est que oui. Quand vous faites un film et que personne n'y croit, pourquoi voulez-vous faire des produits dérivés que personne n'achètera, puisque sur votre film, personne n'y croit. Sur celui-là, bien sûr, tout le monde... y croyait, et donc la vague de produits dérivés va déferler dans les magasins, mais elle restera très raisonnable, et Michel est très précis sur ce qu'il accepte pour Kirikou, et donc il y a effectivement des livres, des cassettes, le disque de la musique qui est très belle, et puis quelques objets, de la vaisselle, un peu de linge et des choses comme ça. Ah, il faut. C'est tellement rare en France. Et ce qui est étonnant, c'est vous l'entendrez donc aujourd'hui ou 31, c'est qu'il disait quand même que en Afrique, ils étaient assez contents et assez surpris qu'il y ait autant de marques françaises ou de marques qui soient finalement représentées par un petit Africain. Oui, tout à fait. Parce que nous, on va être un peu choqués en se disant oh, mais comment ça, ils ont cédé aux sirènes des produits dérivés, quelle honte. Mais c'est vrai qu'en Afrique, par contre, l'idée que ce petit bonhomme noir soit sur, je sais pas, plein de produits dérivés. Visiblement les amusent et au contraire sont plutôt fiers ça. Oui, je pense que tous les Africains, je pense que ça concerne plus peut-être les Africains vivant en France qui sont quand même conscients que mettre un personnage noir en avant comme ça, en effigie, sur des t-shirts, sur des vêtements, sur de la vaisselle, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense que pour des Africains vivant en Afrique, ça leur semblerait très normal, et je l'espère, pour eux c'est normal. Je suis sûre que ce sont plus les Africains vivant en France qui sont plus conscients. Donc ici, malheureusement, lorsqu'on est noir, on est moins vendeur peut-être qu'en Afrique où c'est logique. C'est sûr, donc il faut profiter de ce petit Kirikou qui, justement, comme on disait tout à l'heure, fait valser tout ça et puis d'un seul coup. Exactement, c'est bien que ça le fasse. Tellement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer, ça va être une question terrible pour quelqu'un qui est dans la création, est-ce qu'on peut imaginer que d'un seul coup Michel Oslo lâche. Michel Oslo, parce que Kirikou est devenu tellement gros, je pense à ça, mais qu'un créateur puisse lâcher son bébé dans la nature et que quelqu'un d'autre reprenne Kirikou. Certainement pas. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais, c'est une question tellement, tellement terrible, parce qu'on veut tellement avoir gardé, parce que comme on disait tout à l'heure, Kirikou plaît à tellement de gens que... Bon. Je pense qu'il ne le fera pas parce qu'il il ne veut pas que Kirikou soit mêlé à toutes les sauces. Il veut conserver son intégrité à Kirikou. Et même dans les produits dérivés, c'est un exemple, hein, mais l'utilisation de Kirikou n'est faite qu'à titre décoratif. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Kirikou ne vous incitera à acheter quoi que ce soit. Sur un paquet de cornflakes, vous ne verrez jamais Kirikou manger des cornflakes. D'accord. Il est là pour décorer. Et pour annoncer la sortie du film, mais il ne vend pas. D'accord. Et c'est, je pense que Michel tient à l'intégrité de son personnage, ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche, ne pas lui faire n'importe quoi, et donc il ne le lâchera jamais. Bon. Donc il faudra attendre qu'il 7 ans ou 10 ans qu'il accepte de nouveau de faire un troisième film pour qu'on revoie Kirikou. Donc profitez bien de Kirikou et les Bêtes Sauvages qui est en salle mercredi. Préférez Kirikou au petit poulet de Disney qui n'a pas trop de saveur et qui, je suis persuadé, a la grippe aviaire ou quelque chose comme ça. Donc évitez-le en salle et plutôt allez voir Kirikou. Profitez-en. Alors on va revenir à Bénédicte Galup et non plus à Kirikou. Quand on a été directrice studio infographique, je lis tout, hein, j'ai le dossier de presse sur donc Kirikou, assistante réalisatrice sur Belphégor, la série télé, directrice du studio infographique nouveau sur les triplets de Belleville, maintenant on est co-réalisatrice de Kirikou les Bêtes Sauvages. La prochaine étape, c'est forcément réalisatrice. Oui, j'aimerais bien. Oui, ça te tente bien, vraiment. Oui, voler de mes propres ailes, réaliser toute seule. C'était très intéressant de co-réaliser parce que ça m'a permis d'apprendre le métier de réalisateur, d'être secondé, d'être aidé aussi pour le faire. Et puis, mais maintenant, oui, j'aimerais bien le faire, c'est sûr. Et c'est pour l'instant, il y a quoi après ? Pour l'instant, après. Hein. Là, pour l'instant, il y a chômage. Alors, je vais passer une petite annonce. Vas-y, profite-en. C'est... Réalisatrice, cherche réalisation. D'accord, pour l'instant, c'est le. On attend avec impatience, je suppose, parce qu'évidemment, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez quand même que Kirikou et la sorcière étaient sortis sur 35 copies, si je ne dis pas de bêtises. 72 copies avaient fini à 1,5 million de spectateurs. On est complètement ailleurs avec Kirikou et les Bêtes Sauvages, puisque les armateurs et GBK, qui est le distributeur, la compte sur 350 copies. C'est ça, on est complètement ailleurs. On ne joue plus dans la même catégorie. Et c'est sûr que c'est une autre dimension, un autre pari. Et puis bon, quand même, dans l'après-réalisation, j'accompagne le film. Je me déplace à travers la France pour aller présenter le film, soit dans des séances scolaires, soit dans des séances publiques, discuter avec les spectateurs, entendre ce qu'ils ont à dire sur le film. Et les enfants sont toujours aussi pertinents et disent des choses aussi toujours étonnantes. Ah, leurs questions ne sont pas toujours évidentes. Ils ont souvent l'œil pour les petites choses qu'on se dit « Oh, personne ne va le voir ». Et puis si, ils le voient.